Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Comment procéder pour cartographier l'imaginaire? Quand nous levons le nez vers le ciel à coup sûr, la forme des nuages évoque des objets, des animaux, des personnages. Et nous procédons de la même manière devant des cartes. Regardez l'Italie sans conteste, c'est une botte. Et la Bretagne ne serait-elle pas le nez de la France? Sublimes illusions d'optique. Le mot savant est la pareidolie quand le cerveau attribue des formes à ce qui nous échappe. Les cartes, par exemple, sublime support de notre imaginaire. Laurent Baridon, bonjour. Bonjour. Quel est votre objet d'étude? Quelles sont ces cartes qui vous ont intéressé et qui sont fascinantes, il faut le dire tout de suite? Merci. Ce sont des cartes, si l'on veut, parce qu'en fait, ce sont des documents qui n'appartiennent pas véritablement au corpus géographique. Ce sont plutôt des illustrations qui souvent sont parues dans des livres ou alors ont été publiées en feuilles volantes. Donc c'est une géographie curieuse, imaginaire si l'on veut, qui part, comme vous venez de le dire, de la forme des continents, du globe terrestre, pour imaginer d'autres formes, pour donner une signification symbolique, religieuse, satirique, aux formes de la Terre. Avec, évidemment, ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, une très grande profondeur temporelle, hein. Ces cartes peuvent être très anciennes ou très contemporaines, bien sûr. Il y a, je ne veux pas utiliser le mot de continuité parce que nous sommes dans un long mouvement qui n'est pas cohérent en soi, mais certaines cartes sont vraiment très anciennes. Oui, elles sont très anciennes et en même temps, vous avez parfaitement raison, ça n'est pas une tradition iconographique, par exemple, hein, comme on le dit notamment en histoire de l'art. Il semble que ce système de représentation soit toujours réinventé et dans des formes nouvelles ou légèrement différentes. Alors, on connaît bien depuis longtemps les cartes dites nationalistes. C'est comme ça que en histoire, notamment, on les appelle. Hein. La période de prédilection, c'est le 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ces cartes nationalistes décrivent l'affrontement des nations, on en reparlera peut-être. Et ce corpus est très important, mais ce qui est assez intéressant en effet, c'est qu'il procède de représentations beaucoup plus anciennes, qui sont de nature là très diverses, c'est-à-dire que on peut avoir des documents qui émanent directement des découvertes de nouveaux continents à la Renaissance évidemment. On peut avoir des documents qui sont là aussi de nature très historique et qui représentent des conflits, des oppositions qui traversent l'Europe, les guerres de religion au XVIe siècle par exemple. Mais on a aussi des documents qui sont beaucoup plus subjectifs. Des documents qui représentent finalement tout autant celui qui les a conçus que des formes géographiques. Et je pense en particulier à la première de ces cartes, en tout cas la première que j'ai repérée, celle qui a été dessinée par Opicinus de Canistris, par exemple. Elle ressemble à quoi cette carte d'ailleurs ? Alors en fait, il y a, je crois, une trentaine de cartes, si ma mémoire est bonne, dessinées par ce prêtre italien du XIVe siècle, qui a une histoire tout à fait curieuse. Et d'ailleurs, la plupart de ces concepteurs de cartes imaginaires sont des personnages curieux. Alors, pour ce qui le concerne, il était accusé de simonie, de trafic, si l'on veut bien, de biens spirituels. Il s'est réfugié en Avignon. Il était menacé d'être attrapé par la justice ecclésiastique. Ça a visiblement provoqué chez lui toutes sortes de troubles psychotiques et il a subi un épisode tout à fait curieux de paralysie dont il est sorti complètement léthargique mais avec des visions merveilleuses qui dans lesquelles évidemment il cherchait une vérité, une sortie pour lui heureuse à son histoire et peut-être aussi l'indice finalement de l'indulgence divine. Et il a dessiné ces cartes à partir de ces visions voilà, qui représentent la Méditerranée. Voilà, avec l'Europe tout de même, le Maghreb bien entendu, des cartes assez précises finalement, et on suppose qu'il a vu des cartes dessinées à Gênes pendant son voyage de Pavie jusqu'à Avignon, et à partir de cette connaissance finalement assez précise des cartes, il a représenté une carte symbolique, enfin des cartes symboliques, parce qu'encore une fois il y en a une trentaine, avec toutes sortes de tableaux et de diagrammes qu'on trouve souvent chez les schizophrènes, hein, c'est assez troublant, et ces cartes ont en quelque sorte un double fond, c'est-à-dire qu'il a représenté la Méditerranée, mais en même temps, il l'a représentée à l'envers, Gibraltar se retrouve dans la mer Noire, par exemple, mais dans une autre couleur. Et cette carte sous-jacente fait apparaître d'autres formes, qui, elles, ont une nature symbolique. Le diable, par exemple, dont l'oreille pointue est représentée par Chypre, voilà, apparaît dans la carte sous-jacente, et son bras, si l'on peut interpréter ça comme ça, forme la mer Adriatique, sa main étant à Venise, Venise que Picinus de Canistris rebaptise Vénérie, Vénétie, Vénérie, pour montrer que c'est là le siège de tous les péchés du monde. Et ce bras semble effectivement titiller, si je puis dire, l'entrejambe de l'Europe, qui est une femme, dont la tête est en Espagne. Et en face de cette Europe, il y a un mort, pour l'Afrique, évidemment. M-A-U-R-E. M-A-U-R-E, bien entendu, qui lui fait face dans une sorte de dialogue dont on ne sait s'il est hostile ou amoureux. Enfin, il se passe quelque chose entre ces deux continents, entre ces deux personnages. Laurent Baridon, dans cette carte d'Opicinus au XIVe siècle, nous avons en fait plusieurs niveaux de lecture. Bon, il y a le niveau de la carte elle-même, vous nous l'avez dit. Ce prêtre, ce moine s'est intéressé à une carte qui existait déjà. Il y a ce qu'il a fait de cette carte en faisant des formes humaines. Et puis après, alors là, c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Il y a tout l'imaginaire qu'il porte lui-même et peut-être que certains de ses contemporains portent. Sont-elles difficiles à décrypter, ces cartes ? Alors oui, souvent elles sont très difficiles à décrypter. Ce que je viens de dire de Picinus de Canistris, je ne l'ai pas trouvé tout seul. Muriel Lahari, pour citer son nom, a beaucoup travaillé sur cet homme et sur ses productions. Ce sont des documents, pour la plupart d'entre eux, complexes, parce que évidemment liés à une actualité qui est quand même très loin de nous. Parfois, ces cartes ont été détruites. Certaines cartes n'existent qu'à de très rares exemplaires, même si elles ont été imprimées. Je pense en particulier aux premières cartes allégoriques de l'Europe, en 1537, dont il ne reste qu'un exemplaire, à ma connaissance. Alors pourquoi ? Ben sans doute parce que ces cartes étaient en effet liées à une actualité, ce qui a entraîné leur destruction par ceux qui voyaient l'actualité autrement. Donc ce sont des cartes, en effet, qui sont porteuses d'une vision. Alors pas seulement celle, encore une fois, subjective, d'un dessinateur comme Opicinus de Canistris en proie à ses démons, mais aussi de conceptions du monde représentées par la géographie qu'il s'agit de combattre, parfois en détruisant les cartes. Laurent Baridon, vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université Lyon 2, chercheur au CNRS, et vous avez publié un atlas imaginaire, cartes allégoriques et satiriques, chez Citadel et Masno. Vous êtes historien de l'art, et dans une émission qui parle d'histoire, puisque nous évoquons les cartes, il faut laisser la parole à un géographe, en l'occurrence Roger Brunet. C'est une représentation du monde parmi d'autres. On peut très bien décrire le monde sous forme d'un poème, sous forme d'une analyse et d'un texte. Le gros avantage de la carte, c'est qu'elle donne une image du monde, et une image généralement vue d'en haut. Alors ça donne une vision panoramique, qui permet, et c'est son principal avantage, de voir les distances entre les objets, entre les lieux, d'évaluer les formes du terrain, la répartition des choses, des villes, des rivières, etc. Ce que aucune description littéraire, même géniale, ne vous dira aussi bien. Voilà, le géographe Roger Brunet qui s'exprimait sur les cartes en disant qu'il y a plein de manières de représenter l'univers. Et c'est vrai que le texte est un élément essentiel. D'ailleurs, le texte accompagne-t-il toutes ces cartes allégoriques, satiriques, ou se suffisent-elles à elles-mêmes ? Là aussi, j'imagine qu'il y a plein de situations. Oui, il y a plein de situations, mais c'est vrai, ces cartes sont souvent liées à un texte. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces cartes sont souvent des illustrations, en réalité, des planches dans des ouvrages. Et la cosmographie de Sébastien Münster, par exemple, renferme une carte célèbre de l'Europe, d'une allégorie de l'Europe, en vierge ou en reine, hein, selon l'interprétation qu'on peut en donner. Et cette image a eu un tel succès qu'elle a été évidemment diffusée en feuille volante, comme on dit, c'est-à-dire en planche, de façon isolée, séparée du livre. Mais à l'origine, c'est l'illustration d'un livre. Alors, est-ce que cette image s'est retrouvée dans le livre un peu par hasard ou l'inverse, ça c'est difficile à dire, mais bien souvent, il y a en effet besoin d'un texte pour interpréter, décoder la représentation, lui donner un sens, puisqu'on le sait, les images sont polysémiques et il faut toujours les expliquer, notamment quand il s'agit de documents un peu curieux, un peu différents. Et puis il faut les contextualiser dans la carte que vous évoquez. C'est vrai que nous sommes au XVIe siècle, à ce moment où cette carte que nous avons souvent croisée dans les mêmes manuels scolaires ou les ouvrages d'histoire, où l'Europe est représentée avec pour tête l'Espagne. Mais ce n'est pas du tout un hasard en fait. Non, ce n'est pas du tout un hasard, puisqu'évidemment, il s'agit du Saint-Empire romain germanique, il s'agit de montrer le pouvoir de Charles Quint sur l'Europe et de montrer la cohérence d'un continent que l'on veut, donc, selon le concepteur de cette carte, placé sous l'autorité du Saint-Empire romain germanique. Mais cette carte est très vite contestée. Alors d'abord, encore une fois, ses origines datent probablement de la première moitié du XVIe siècle avec cette fameuse carte dont il n'existe qu'un seul exemplaire, de 1537. Alors, elle est reprise donc dans la deuxième moitié du XVIe siècle et très largement diffusée, mais on voit aussi apparaître des contre-propositions par rapport à cette carte, c'est-à-dire d'autres interprétations, et en particulier une carte visiblement protestante qui montre le Saint-Empire romain germanique démembré, si je puis dire, à travers une reine qui est Isabelle, c'est un peu plus compliqué que cela, mais enfin c'est tout de même la reine Isabelle qui est représentée, et dont on voit que la robe qui constitue évidemment le continent européen, se fragmente, laissant même apparaître sa poitrine nue, donc ce qui n'est pas évidemment très, très respectueux. Donc c'est une façon de dire que non, l'Europe n'est pas unie sous la couronne, mais qu'il y a au contraire un moment de crise qu'elle traverse, qui sont d'ailleurs représentés par un certain nombre d'affrontements et de batailles autour de cette carte. Justement, sur cette carte du XVIe siècle qui représente l'Europe comme une femme et puis qui soutient en fait l'Empire des Habsbourg avec la tête en Espagne, vous nous dites, Laurent Baridon, que nous allons retrouver des contestations de cette carte où elle a son costume déchiré, où on voit ses nénés. Mais ça montre aussi qu'il y a un vrai transfert culturel, il y a des vrais échanges. Ces cartes sont connues, on ne se moque pas de quelque chose qui n'est pas connu. Oui, ces cartes sont connues. C'est toujours assez difficile de mesurer la diffusion de l'estampe, en particulier quand elle est satirique, parce qu'encore une fois, ce sont des documents qui, par ailleurs, n'ont pas été pendant très longtemps considérés à leur juste valeur. On n'aura pas accordé suffisamment d'importance. Et puis, par ailleurs, ces documents sont, encore une fois, parfois détruits. Donc, il est difficile de savoir à combien d'exemplaires ces documents ont été imprimés. Et dans quelle mesure ils ont été diffusés. Et c'est le cas, évidemment, de ces cartes. Juste un mot sur ce type de document. Encore une fois, dans les institutions, dans les collections, ces documents, on ne sait pas où les classer. Parce qu'on ne sait pas s'il s'agit de géographie. Alors, en l'occurrence, à Paris, à la Bibliothèque nationale, il se trouve très majoritairement dans le département des cartes et plans. Mais sinon, évidemment, on ne sait pas si c'est de l'illustration, si c'est de la satire, si c'est de la géographie, encore une fois. Donc, ça explique aussi que ces documents soient finalement assez difficiles à trouver. Je voudrais seulement signaler, pour les auditeurs qui s'intéresseraient à la question, qu'à l'université de Cornell, à la bibliothèque de l'université de Cornell aux États-Unis, un collectionneur a donné l'ensemble de ces persuasive maps, comme il dit, de cartes persuasives. Et c'est un très bel ensemble que l'on peut consulter sur Internet, avec toutes sortes d'outils, évidemment, pour trouver le sujet qui nous intéresse. Justement, dans les difficultés de classement, votre ouvrage, Un atlas imaginaire, cartes allégoriques et satiriques, il y a ce problème, Laurent Baridon, parce que nous sommes quoi ? Nous sommes dans le monde de l'art, de la géographie, de l'histoire. En fait, nous sommes dans tous ces mondes. Oui, absolument. Ce sont des. Alors, c'est de la culture visuelle, comme on dit aujourd'hui, typiquement. C'est-à-dire, c'est une façon de représenter des mondes, des idées, des utopies, parfois des sentiments aussi, à travers des formes visuelles qui se concrétisent donc dans un schéma de représentation qui est celui de la carte. Mais comme on l'a entendu à l'instant avec l'extrait que vous avez proposé, la carte, ça ne veut rien dire en fait. Il faut dire les cartes, puisqu'il y a toutes sortes de systèmes de représentation. Il suffit par exemple de retourner le type de projection classique que nous connaissons qui vient de Mercator, de retourner une carte et on s'aperçoit que notre planète est constituée effectivement d'océans avant tout ce qu'on ne perçoit pas, si on continue à avoir ce point de vue qui favorise l'hémisphère nord, évidemment. La carte comme support d'allégorie, support de satire. Nous étions au XVIe siècle avec cette carte sur les Habsbourg. Je vous propose de rester au XVIe siècle avec une petite comptine satirique. Quatre grosses bêtes font un huguenot. Calvin fait la tête et Luther fait le dos, Marot fait les pattes. Et alors, que fait Bèze? Ben, c'est les quatre barbus qui nous disent. Quatre grosses bêtes font un huguenot. Calvin fait la tête et Luther le dos. Marot fait les pattes et Bèze le trou du cul. L'enturlu. L'enturlu, les quatre barbus qui chantent cette petite comptine du XVIe siècle contre les huguenots. Justement, Laurent Baridon, le XVIe siècle, cette période des guerres de religion, est une forte période de création de ces cartes très particulières. Oui, en effet, il y en a un certain nombre autour toujours de cette figure de la reine Europe. On vient de l'évoquer. Assez rapidement, d'autres conflits traversent l'Europe. Alors toujours avec les mêmes acteurs finalement, mais tout de même qui se concentrent autour des Pays-Bas. Et on voit apparaître, alors fin 16e, première moitié du 17e, des cartes qui prennent pour objet finalement le contexte de la guerre de 30 ans, avec notamment une représentation qui a suscité un très grand nombre d'estampes, puisqu'il s'agit en effet de gravures regroupées sous le nom de Léo Belgicus, puisqu'il s'agit de représenter en effet, alors c'est peut-être difficile à imaginer pour les auditeurs qui n'auraient jamais vu une de ces nombreuses cartes, pour représenter donc la côte des Pays-Bas finalement en forme d'échine de lion. Encore faut-il préciser que ces cartes obéissent finalement à des logiques contradictoires selon le camp choisi par le commanditaire et le dessinateur, selon la période aussi, puisque par exemple les périodes de trêve, et en particulier ce qu'on appelle la trêve de 12 ans, favorisent la représentation du Léo Belgicus au repos, gentiment assis sur son train arrière, une patte posée sur un glaive pour bien montrer que bon, on est dans une période de calme. D'autres dessinateurs hostiles aux Habsbourg et à la couronne espagnole vont représenter le lion rugissant vers le sud, et puis au contraire, ceux qui prétendent unifier les provinces unies sous l'égide des Habsbourg, eh bien le représentent rugissant vers le nord. Alors ça fait un lion qui se contorsionne, hein, il faut bien le reconnaître un petit peu dans tous les sens. La géographie souffre un peu au passage, mais ce sont de magnifiques documents. Or il se trouve que il y a un art de la carte aux Pays-Bas au XVIIe siècle, bien sûr parce qu'il y a la navigation, hein, c'est un peuple de navigateurs qui commerce à travers le monde, on le sait bien, et ce goût des cartes, on le retrouve par exemple dans la peinture, en particulier chez Vermeer, où dans un certain nombre d'œuvres de Vermeer, on voit apparaître à l'arrière-plan, au mur, une magnifique carte qui témoigne de l'importance de ce type de représentation aux Pays-Bas, au XVIIe. Parce qu'on pourrait se poser la question de l'objectif de représenter alors un lion ce lion belge, belge des Pays-Bas, pour une plus grande lisibilité, mais en fait pas tellement. C'est plus un dialogue qui tient, nous le disions, de la satire, de la caricature, et c'est extrêmement fin. C'est pas juste regarder, il y a une image d'un lion calme ou rugissant. Ça s'adresse à un public lettré. Oui, alors lettré, je ne sais pas jusqu'à quel point, parce que ces cartes, encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, ces cartes sont accompagnées de textes et d'autres images, souvent sur le pourtour de la carte, qui en constituent l'encadrement. C'est particulièrement vrai pour cet ensemble de cartes dites Léo Belgicus. Alors, ces encadrements représentent des villes, par exemple, ce qui permet de représenter les habitants, les provinces unies, les costumes, etc. Mais il y a aussi des textes qui éclaire la représentation, guide sa lecture. Donc, effectivement, en tout cas, le spectateur de ces cartes apprend quelque chose en les regardant. Il apprend quelque chose et souvent il est étonné ou il sourit parce que c'est extrêmement malin ce qui est réalisé dans ces cartes-là. Et puis, nous ne le dirons jamais assez, il y a à la base un grand travail de cartographe. Je veux savoir ce que vous êtes. France Culture. Eh bien, je suis cartographe. Le cours de l'histoire. Notre cartographe. Xavier Mauduit. Eh bien, vous et moi allons changer le monde. voir le monde. On va porter un regard sur le monde, l'histoire à la carte, dans le cours de l'histoire avec ces cartes de l'imaginaire, cette cartographie de l'imaginaire où la carte est assimilée à un corps, la forme du pays devient un corps, mais parfois c'est le pays lui-même qui est le corps. Je connais un pays, on dirait un jardin. Je peux y vivre nu, sans avoir jamais froid. Quand je ferme les yeux, j'y trouve sous mes doigts tous les chemins. J'ai le fond de tes yeux pour y chercher de l'or, la couleur de ta peau pour lire les saisons, le creux de ton épaule pour ligne d'horizon, et tout autour de moi tes bras font le décor au pays de ton corps, au pays de ton corps, au pays de ton corps. La la la la la la la la la. Catherine Le Forestier qui en 1971 chantait Le pays de ton corps, et aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec à la technique d'Ali Yaha. Le cours de l'histoire qui s'intéresse à la cartographie de l'imaginaire. Laurent Baridon, nous entendions cette chanson Le pays de ton corps, le corps est un pays, mais c'est vrai que les seins deviennent des montagnes, qu'il y a tout cet imaginaire qui se porte, et à l'inverse, dès que nous voyons une forme un peu biscornu, notre cerveau, mais naturellement, sans que nous fassions d'efforts, y voit un objet déjà connu. Oui, c'est ce qu'on appelle la pareidolie, donc cette faculté du cerveau à reconnaître des formes, là où parfois il n'y en a pas, hein, donc c'est sur Internet c'est très répandu, hein, le visage du Christ dans une crêpe ou une tranche de pain grillé ou tout ce qu'on voudra, hein, donc effectivement ça donne naissance à toutes sortes de dérives, mais c'est un phénomène très intéressant. Alors, je ne suis pas psychologue ni cogniticien, mais il est évident que cela provient sans doute de nos premières heures, ou quand nous commençons à reconnaître des visages au-dessus de nos berceaux, le visage de nos parents, de notre mère, par exemple. Et a priori, nous conservons toujours cette faculté qui est très rassurante, il faut bien le reconnaître, de vouloir reconnaître quelque chose dans une forme que l'on ne peut pas comprendre, que l'on ne peut pas interpréter. Et sans doute que quand on a commencé à dessiner des cartes, vous avez évoqué cela dans les précédentes émissions de cette série sur les cartes, on a effectivement alors représenté des monstres, hein, cela a été dit, dans les continents que l'on ne connaissait pas encore, pour toutes sortes de raisons, mais aussi peut-être parce qu'on avait entrevu des formes de montagnes que l'on pouvait essayer d'assimiler à quelque chose que l'on connaissait, et en particulier à des monstres. Alors c'est un phénomène que l'on trouve très couramment, hein, dans la culture visuelle en réalité, et en particulier à la Renaissance, qui est bien sûr l'époque des grandes découvertes. Dürer a utilisé ce procédé pour représenter des cols dans les Alpes, avec des rochers qui ont un visage humain. Il a utilisé ce procédé pour donner une signification presque diabolique à certains de ses traits dans des gravures. Il y a un célèbre dessin de Dürer qui montre aussi, hein, le même oreiller chiffonné de différentes façons, où l'on voit apparaître des visages comme si les songes de la nuit c'était déposé dans l'oreiller. Ce sont des images extrêmement séduisantes, et c'est un procédé effectivement qui est encore exploité dans la publicité, dans l'illustration, parce que c'est un procédé qui interroge évidemment le regard, qui excite l'imagination. Et sur les cartes, justement, ce qui est projeté, bien souvent, nous l'avons évoqué, ce sont des personnages ou des animaux. Il y a très peu d'objets. On parle de l'Italie et de la botte, mais c'est vrai que ce qui domine, hein, ce sont des humains ou des animaux. Oui, absolument. Il y a quelques végétaux, mais c'est assez rare, et souvent pour des raisons qui tiennent à l'héraldique. La rose de Bohême, par exemple, hein, c'est une carte du fin 16e, début 17e. Mais la plupart du temps, ce sont des formes effectivement identifiables, et qui reprennent parfois l'héraldique, mais c'est logique, puisque l'héraldique elle-même a ce même répertoire d'animaux, de végétaux éventuellement, et parfois d'hommes. Le bestiaire des cartes. Justement, la carte est porteuse en soi d'imaginaire. nos cartes étaient des œuvres d'art. Nos cartes étaient des œuvres d'art. Les principaux volcans crachaient de telles flammes et étincelles qu'on eût pu craindre que ces continents de papier ne s'embrasent. Les chaînes de montagnes étaient si bleues et blanches de glace et de neige qu'elles vous glaçaient le sang. Nos déserts, bruns et arides, étaient grumeleux de chameaux et pyramides, et nos jungles tropicales si luxuriantes et enchevêtrées que les jaguars voûtés, serpents agiles et gorilles moroses ne s'y mouvaient qu'avec difficulté. Nos rivières étaient larges et plus bleues qu'un myosotis, constellées de canoës et de crocodiles. Nos océans étaient tous sauf vides. Ces cartes étaient vivantes. Vous pouvez les étudier, les inspecter, les compléter. Des cartes qui, en définitive, avaient un vrai sens. Daniel Koenigsberg qui nous lisait un extrait de « Ma famille et autres animaux », un ouvrage du naturaliste britannique Gérard Durrell. Et justement, dans cette évocation de tous ces animaux sur la carte, il y a cette idée que tout cela avait un sens. Et Laurent Baridon, c'est peut-être ce qu'il faut souligner sans cesse pour ces cartes, elles ont un sens pour les contemporains. C'est-à-dire qu'elles sont porteuses d'une idée, d'un message. Ce n'est pas juste le plaisir, même si c'est rigolo, d'imaginer le profil d'un pays avec un personnage. Oui, oui, elles ont un sens, évidemment. On l'a dit, parfois cette signification est politique, directement liée à une actualité historique. Parfois, encore une fois, elles sont plus subjectives, donc cette signification se perd un petit peu, parce qu'elle est liée seulement à un individu. Et parfois, il s'agit évidemment de... dans cette subjectivité, de représenter des sentiments communs, des sentiments que tous les hommes et les femmes partagent, et en particulier le sentiment amoureux. Donc il y a des cartes sentimentales. Et dès lors, la carte sentimentale peut s'éloigner d'une carte réelle, que l'on transformerait, et l'auteur de la carte invente sa propre carte. Et évidemment, on pense tout de suite à la carte de Tendre, ce pays incroyable qui nous conduit au XVIIe siècle. Oui, absolument. Alors cette carte de Tendre attribuée à François Chauveau accompagne Clélie de Madeleine de Scudéry, qui est un best-seller du XVIIe siècle, je crois 1659 pour la date de publication. Et c'est alors ça n'est pas une carte imaginaire, c'est la carte d'un pays imaginaire. Hein, c'est voilà ce qui est légèrement différent. Donc ce pays de Tendre, on dit carte de Tendre ou carte du Tendre, mais en fait c'est carte du pays de Tendre, le véritable titre. C'est le Tendre, c'est le sentiment amoureux, évidemment. Et c'est un territoire qui est parcouru par le fleuve de l'inclination, qui est évidemment représenté sur la carte, qui traverse du nord au sud, si l'on peut dire, parce que, évidemment, ce continent n'existe pas. Fleuve, donc, de l'inclination, il y a une rivière de l'estime, et des bourgades qui sont représentées comme les vignettes hein, qu'on a toujours mis sur les cartes pour représenter les populations. Et ces bourgades ont des noms évidemment tout à fait évocateur, et on imagine donc un voyage à travers cette carte qui commence dans la ville de Nouvelle-Amitié, enjambée par un pont évidemment, pour relier hein, les deux personnages concernés, et puis on va vers le biais doux, la sincérité, le grand cœur, la générosité, etc., etc., en laissant de côté prudemment le lac d'indifférence. De l'autre côté, le pays est bordé par la mer d'inimitié, ce qui est évidemment un écueil. Et tout cela aboutit au confluent de l'inclination et de l'estime pour se jeter dans la mer dangereuse, dont on suppose évidemment qu'il s'agit de l'amour, avec toutes ces aventures périlleuses. Ce qui est formidable avec cette carte de Tendre, c'est qu'elle reprend tous les schémas de la cartographie classique, ce qui donne quelque chose d'extrêmement rassurant pour ce pays imaginaire. Et vous nous l'avez rappelé, Laurent Baridon, avec des noms complètement inventés, une construction, mais la projection sur le papier de cet imaginaire, vu comme ça rapidement, pourrait laisser croire à une carte normale, une carte d'un pays qui existe vraiment. Oui, oui. Alors, le rapport au texte, là aussi, est très important, parce qu'évidemment, il s'agit d'une image qui accompagne un texte, et par conséquent, le texte est, d'une certaine façon, la description de l'image, mais il faut aussi imaginer que les lecteurs de Clélie, de Madeleine de Scudéry, ensuite, pouvaient, à leur tour, faire ce voyage, et contempler cette carte, et repérer dans quelle ville ils étaient dans leur parcours amoureux. C'est ça, la préciosité. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une évocation par Nadine Lefébure, La carte de Tendre. En 1654, Mademoiselle de Scudéry publiait 10 volumes consacrés à l'histoire compliquée d'une belle romaine, la Clélie. Poussant plus avant ce badinage de salon, elle utilisait la situation romanesque de ses personnages pour mettre au jour la fameuse carte de Tendre. Ainsi naquit l'idée d'une géographie sentimentale au cours d'une soirée chez Mademoiselle de Scudéry. Ouais. La satire nous approche tout doucement de l'amour et l'amour nous conduit à la satire avec cette carte du Tendre où la mer est dangereuse. Dites-nous, Laurent Baridon, sur cette carte du Tendre, nous avons un texte qui est lié, un véritable succès, hein, il faut le dire. Alors, succès du moment, succès aujourd'hui encore, hein, parce que cette carte est très étudiée. C'est surtout les échos de cette carte qui sont intéressants, parce que cette carte ne vit pas qu'au XVIIe siècle. Oui, bien sûr, cette géographie sentimentale connaît plusieurs déclinaisons. D'abord, au XVIIe siècle, il y a d'autres cartes un peu différentes, peut-être conçues davantage par des hommes, hein, puisque là, le texte est peut-être plus représentatif d'une sensibilité féminine de l'amour. Des cartes conçues par des hommes, donc, qui montrent l'amour comme un siège, avec donc une forteresse à prendre, des armes, voilà. Donc, il y a un petit corpus de ces cartes du sentiment amoureux. Et puis, surtout, cela se prolonge de façon beaucoup plus libre et à nouveau subjective dans des cartes plus contemporaines. Je pense en particulier à l'artiste Max Ernst, qui a conçu une magnifique carte à partir d'une géographie réelle, mais en la travaillant un peu à la manière de Picinus de Canistris. Ernst fréquentait souvent les bords de Loire, et un village en particulier, Huism, je suis pas sûr qu'on prononce comme ça d'ailleurs, près de la centrale nucléaire de Chinon. Et il se trouve que au confluent de la Loire et de l'Indre, il y a une petite île qui est l'île de Bon Désir. Et sans doute, cette toponymie l'a inspiré pour prendre l'image de la Vénus de Cabanel, peinture célèbre du XIXe siècle, pour la recouvrir de formes, enfin une reproduction bien sûr de ce tableau, pour recouvrir la reproduction de peintures, de formes qui évoquent donc un jardin. Et de ce fait, cela devient le jardin de la France. Et cette France, c'est une femme, évidemment. Ernst retrouvant cette tradition, entre guillemets, des cartes satiriques, mais aussi des cartes amoureuses, on l'aura compris. Mais surtout, il a retourné la carte. C'est-à-dire qu'en fait, l'Est est passé à l'Ouest, et réciproquement, bien sûr. Et de ce fait, on a l'impression que c'est une histoire à retrouver. Ernst est âgé en 1962 quand il conçoit cette carte. Et on a l'impression que c'est un retour à une sorte de paradis perdu, celui du jardin de la France. Ce qui est très joli dans cet exemple-là, c'est que nous avons un schéma d'appropriation qui va encore plus loin que le schéma classique. Mettre un personnage sur une carte, c'est déjà une forme d'appropriation. Mais avec le cas de Ernst, l'appropriation va être encore plus loin, parce que c'est un tableau, celui de Cabanel, qui lui-même est réapproprié. En fait, c'est un jeu, c'est un véritable dialogue, ces cartes. Oui, oui, c'est un dialogue entre des formes existantes, la plupart du temps, qui sont celles de la géographie telle qu'on la représente, et puis, eh bien, des formes qui sont effectivement suscitées par des ressemblances, des analogies. On pourrait appeler ces cartes aussi, en tout cas la plupart d'entre elles, des cartes analogiques, selon le principe de la science pré-moderne, hein, c'est-à-dire la science qui procédait en effet d'analogies avec la théorie des signatures, enfin tout ce qu'a étudié, bien sûr, Michel Foucault, cette théorie des ressemblances. Et ces systèmes analogiques donnent encore une fois une signification aux formes qui nous entourent, qu'on ne connaît pas. C'est le cas avec les signes du zodiaque. Ils ont toujours des significations d'animaux, alors que quand nous regardons l'alignement des étoiles, honnêtement, c'est dur à voir. Mais c'est ce jeu qui nécessite aussi des échanges. Alors, culturel, bien sûr, quand il y a une référence culturelle, mais politique aussi. Elles peuvent être décryptées de plein de manières, ces cartes. Justement, quand vous travaillez, Laurent Baridon, sur un corpus aussi vaste, alors dans le temps, dans la signification même. En fait, il est très dur de trouver une ligne directrice. Vous avez identifié différents éléments, l'allégorie, il y a la satire. Mais en fait, chaque carte se suffit vraiment en elle-même. C'est sans doute ça qu'il faut retenir de ce fonctionnement magique d'assimiler des personnages ou des animaux à un territoire. Oui, sans doute. Encore une fois, il n'y a pas de tradition bien établie à ce corpus de représentation. Et donc, ces cartes sont un peu isolées les unes des autres, même s'il y a des ensembles quand même cohérents. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Et malgré tout, nous sentons qu'il y a des ensembles cohérents. C'est-à-dire que ces cartes sont créées, se répondent, n'ont pas de vocation géographique première et... Nous avons vu le moment 16e siècle des guerres de religion où elles prennent une ampleur très particulière liée à la satire. Le moment 17e siècle aussi où avec la carte de Tendre nous avons toute une évocation. Il y a des moments où elles semblent un peu mises en arrière. Le 18e siècle ne semble pas une période de grande production de ces cartes-là. Comme si la raison avait un peu pris le dessus. Oui, vous avez raison. Le 18e siècle n'est pas l'âge d'or de ces cartes satiriques, allégoriques. Néanmoins, on voit apparaître un élément nouveau, qui est précisément l'élément satirique. Et c'est assez logique, puisque ces premières cartes satiriques apparaissent. Alors, aux Pays-Bas, c'est vrai, mais surtout en Angleterre. Et c'est le pays de la satire dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On pense évidemment au grand peintre et graveur Hogarth, qui a une œuvre satirique d'importance. Mais ça n'est qu'un exemple. Il y a beaucoup d'autres dessinateurs qui commencent à se faire un nom après Hogarth et qui fondent quand même, il faut bien le dire, la satire visuelle, comme on l'appelle aujourd'hui, contemporaine. Donc c'est dans ce contexte, en effet, qu'apparaissent... Alors, très ponctuellement, hein, il faut le reconnaître, des cartes qui prennent le contre-pied des cartes officielles, mais surtout qui tiennent un discours politique dans le contexte de la satire, hein, comme on satirise la Révolution française de l'autre côté de la Manche, eh bien, on peut aussi satiriser l'Europe telle que la Révolution française l'imagine à partir de cartes. Voilà, alors ça, c'est encore quelque chose que nous devons aux Britanniques, cette caricature absolument sensationnelle, ancêtre de la bande dessinée. Et dès lors, cette caricature qui s'associe à la carte, qui donne des cartes satiriques, avec une condition. Il faut maîtriser un tout petit peu sa géographie, ce que ne fait pas Suzy. Je ne suis pas bonne en géographie, mais je sais depuis aujourd'hui que le chemin de mon bonheur passera toujours par ton cœur. Je ne suis pas bonne en géographie, mais j'espère que c'est près d'ici que nous habiterons un jour dans la maison de notre amour. Je ne sais vraiment pas grand chose de la vie et de ses secrets, mais je sais de moi, je suppose, bien conjugué le verbe aimer. Et vraiment c'est toi qui m'auras appris que tout rime avec amour et qu'on peut très bien dans la vie se passer de la géographie. Je ne suis pas bonne en géographie, mais je sais depuis aujourd'hui que le chemin de mon bonheur passera toujours par ton cœur. Je ne suis pas forte en géographie, mais j'espère que c'est près d'ici que nous habiterons un jour dans la maison de notre amour. Je ne sais vraiment pas grand chose de la vie et de ses secrets, mais je sais du moins, je suppose, bien conjuguer les verbes mais. Suzy, qui sait que le chemin du bonheur passe toujours par le cœur, donc elle a sans doute regardé la carte de Tendre, pas forte en géographie, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par toute une équipe, mais brillante en géographie. Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Maïwenn Guizhiou. Le cours de l'histoire qui aujourd'hui s'intéresse à la manière de cartographier l'imaginaire. Je ne suis pas forte en géographie, chantait Suzy. Pourtant, à partir de la Révolution française et pire encore de l'épisode napoléonien, tout le monde devient très fort en géographie à suivre la carte de l'Europe, les conquêtes, Laurent Baridon. Cette période est exceptionnelle, cette fin 18e siècle, début 19e siècle, dans la production de ces cartes satiriques, allégoriques aussi en fait. Oui, absolument. Alors, la production sera encore plus importante dans la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e. Mais en tout cas, c'est là que la dimension satirique de ces cartes imaginaires apparaît clairement. Et comme on le disait à l'instant, c'est en Angleterre que ça se passe, avec en particulier James Gillray, le grand dessinateur satirique, qui conçoit une carte absolument magnifique. On parlait du corps, hein, de l'importance du corps. Et c'est une carte qui montre l'Angleterre, alors sous la forme du personnage emblématique de l'anglais, John Bull. On n'a pas ça en France, hein, finalement. On a Dupont, mais enfin, c'est pas tout à fait la même chose. John Bull, donc l'anglais truculent, hein, qui en fait incarne la figure du roi. C'est assez compliqué, c'est un mélange du roi et du type de l'anglais populaire. Son habit est un habit d'arlequin composé de tous les comtés. Et ce roi, par l'estuaire de Southampton, envoie un paix sur le nez de la France, qui est évidemment formé par le Cotentin, le menton étant la Bretagne. Alors il s'agit de montrer évidemment une opposition à un projet d'invasion de l'Angleterre par la France au moment de la Révolution française en 1793 précisément. Et cette carte est magnifique parce que c'est le Wood, c'est cet esprit grivois, hein, anglais qui est représenté ici, et en plus des jeux de mots, puisque il s'agit de décrire les bum boats, qui sont les petites barques, hein, qui ravitaillent les bateaux, ce qu'on appelle les bateaux avitailleurs. Et bum boats, ça, on entend bum qui est le derrière. Donc il y a en plus des calembours qui sont extrêmement savoureux et qui renvoient cette dimension corporelle de la carte et qui rend vraiment sensible, presque odorant, la représentation. Oui, nous ne dirons jamais combien les caricatures britanniques, durant la Révolution française, en tout cas qui se moquent des révolutionnaires ou de celles qui se moquent de Napoléon, sont scatologiques. C'est terrifiant. Mais c'est vrai que dans cette période où les Britanniques, eh bien justement, mettent leur art de la caricature au service de la cartographie, eh bien il y a ce moment en particulier, celle de la chute de Napoléon. D'ailleurs, la chute de Napoléon est racontée en cartes. Vous savez, ces cartes militaires où l'on voit les armées se déplacer. Mais quand il est question de raconter Waterloo, Victor Hugo aussi fait de la géographie, la plaine, les coteaux, les vallons. Waterloo. Waterloo. Waterloo. Morne plaine. Comme une onde qui boue dans une urne trop pleine, dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté, c'est l'Europe, et de l'autre, la France. Choc sanglant. Des héros, Dieu trompait l'espérance. Tu désertais, victoire. Et le sort était là. Ça y est, Napoléon déchu, l'Europe redécoupée par le Congrès de Vienne. Nous avons plein de cartes. Mais Laurent Baridon, vous nous l'avez déjà dit, il y a à ce moment-là, la mise en place de tous les stéréotypes nationaux. Alors, John Bull pour l'Angleterre, les frontières se dessinent, les pays, eh bien, mettent en place ces identités très fortes. Il faut des héros nationaux, il faut des drapeaux. Et dès lors, la cartographie en profite. Comment cette grande période de mise en place de cartes liées à des nations ? Oui, oui, effectivement, ce sont vraiment ce qu'on appelle donc traditionnellement les cartes nationalistes, puisqu'elles défendent, comme vous venez de le dire très bien, l'idée de nation. Et cela passe par l'invention de personnages emblématiques, qui ne sont plus évidemment les formes de l'héraldique qui vient de très loin, et du Moyen-Âge en particulier. Donc il s'agit d'inventer de nouvelles formes et de les reconnaître dans les territoires, parce qu'il faut justifier ces fameuses frontières que l'on essaye d'établir à grands coups de conquêtes et de batailles. Et donc, John Bull, Deutsche Michel en Allemagne, par exemple, sont ces personnages emblématiques. Pour d'autres pays, c'est beaucoup plus difficile. D'autant plus que tout de même, cette production de cartes est anglaise, on l'a dit, française, allemande dans une moindre mesure, et finalement ce sont les pays qui produisent, qui imposent d'une certaine façon leur vision de l'Europe. Mais tout cela passe évidemment par des conflits qui redessinent les cartes, par des contre-productions de cartes qui font des contre-propositions à celles qui sont évidemment mises sur la table par les nations dominantes en Europe. Et c'est un phénomène assez fascinant parce qu'on voit que la même carte, par exemple, produite en France, peut être reprise en Allemagne, en Espagne, en Italie, et parfois même reprise à Téhéran et jusqu'au Japon. C'est-à-dire que cette carte est retravaillée avec d'autres légendes, éventuellement d'autres personnages. On ne conserve que l'idée, on redessine tout, mais on a conservé l'idée. Mais parfois, simplement, ce sont les mêmes personnages auxquels on donne une autre signification. Et ça, c'est un phénomène qui se produit très fréquemment, je dirais, entre 1890 et 1930. Voilà. Alors, toutes les guerres, qui sont de plus en plus mondiales, évidemment, russo-japonaises, etc., sont l'occasion d'exporter ce type de cartes. Bon. Après, justement, nous sommes en train de travailler là-dessus avec quelques collègues, c'est quand même assez difficile de repérer beaucoup de cartes au Japon ou en Chine. Il y a un ou deux exemples très bien connus autour de 1900 qui témoignent de la diffusion de ces cartes satiriques et politiques, mais il ne semble pas, pour l'heure, mais je suis prêt à prendre toutes les propositions, qu'il y ait beaucoup de cartes japonaises ou chinoises, en particulier au XXe siècle. Ces cartes liées à des moments de guerre, notamment liées aux tensions nationales, apparaissent dans les manuels scolaires. Nous en avons tous croisé obligatoirement au moment des guerres. Et justement, dans ce début du XXe siècle, lié aux guerres mondiales, lié au développement des totalitarismes aussi, nous avons toutes ces cartes de propagande. La carte est un support sensationnel pour en fait mélanger le message politique, la caricature, la propagande et la cartographie. Oui. Oui, oui, évidemment. Encore une fois, cela justifie le territoire par une forme qui semble naturelle, puisque liée à ce territoire, et cette forme naturelle se reconnaît donc, bien sûr, dans le corps d'un homme. Alors, c'est d'un homme ou d'une femme, donc d'une allégorie. Donc, c'est assez fascinant, mais ce qui est troublant, c'est que, puisque vous évoquiez les totalitarismes, il n'y a pas tellement de cartes, en tout cas je n'en connais pas, qui représentent le visage du Führer, par exemple, en Allemagne, dans le territoire, alors certes toujours grandissant, bien sûr, de cet empire de 1000 ans, puisqu'il devait durer 1000 ans. Alors, à quoi cela tient-il? Ben, peut-être à cette idée qu'il y a une tradition déjà de la satire, quand nous sommes dans l'entre-deux-guerres, et encore plus dans la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être que cette tradition de la satire pourrait laisser penser que l'on fait une caricature du Führer, et l'on sait que le Führer n'aimait pas du tout que l'on le caricature. Certains dessinateurs français en ont fait les frais. Il y a ce risque, effectivement, de la déformation caricaturale. De même, pour Mussolini, il n'y a pas de véritablement, à ma connaissance, encore une fois, de cartes qui utilisent son image, qui pourtant était tellement diffusée là aussi. Et aux États-Unis, il y a quelques cartes aussi de la première moitié du XXe siècle qui sont intéressantes, puisqu'on voit que il y a une tentative de Roosevelt d'utiliser en effet son, enfin de sa part non, mais de ses voilà de dessinateurs, d'utiliser son image pour donner une cohérence à ce territoire dont les limites ne sont pas encore fixées, puisqu'il y a de nouveaux États, hein, encore au début du XXe siècle. Et puis finalement, c'est abandonné, parce que cela ressemble trop à une forme d'imposition de la figure d'un roi ou d'une reine sur un territoire, et ça n'est pas l'idéal démocratique. Donc les démocraties s'accommodent finalement assez mal au XXe siècle de cette représentation emblématique du territoire en un personnage. C'est aussi parce que, sans doute, Laurent Baridon, la cartes associées au corps nous fait toucher à l'essentiel de ce qu'est le corps, c'est-à-dire le sensible. Toutes ces cartes du corps sont un univers sensible qui nous sont données. Et dès lors, il faut les manier avec précaution. Et vous venez bien de nous le dire, hein, avec ces exemples d'Hitler, de Mussolini. C'est très difficile d'associer la carte à un corps. Parce que nous touchons quelque chose qui, dès lors, atteint l'imaginaire. Et l'imaginaire, très difficile à saisir. Oui, cela nous renvoie à notre propre corps, à notre propre corporéité, une entité finalement que notre corps renferme. Et les publicitaires, les illustrateurs l'ont bien compris, hein, dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec une production vraiment importante. Alors là, on ne peut pas la cartographier, c'est le cas de le dire, puisqu'on la trouve sous toutes ses formes. Je pense en particulier à une campagne pour favoriser l'usage du préservatif. Je crois que c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je me souviens plus. Très très belles images où le corps, il y avait deux versions, un corps masculin, un corps féminin, et ces corps étaient représentés sous la forme de cartes avec ces lignes de ces courbes de niveau, comme on dit, isoplètes, hein, qui mettaient en valeur les reliefs du corps, qui les rendaient séduisant. C'était vraiment une géographie extrêmement séduisante. Le message était clair, hein. Il fallait, si l'on voulait continuer d'explorer les corps, utiliser le préservatif. Et il y a bien d'autres exemples d'artistes qui sont souvent aux confins de l'illustration, de la peinture, qui recourent à cet imaginaire géographique pour bien parler du corps, parler de la sexualité, parler du sentiment, éventuellement faire commerce de biens de consommation. C'est aussi évidemment, ce sont des messages très forts, hein, qui peuvent concerner tout un chacun, puisque nous avons tous un corps. Oui, c'est ça qui est formidable, hein. C'est que cette projection que nous faisons de manière extrêmement naturelle, nous le disions sur la forme des cartes, en disant ici, ça pourrait être le nez, ici, le menton. Dès que le sens nous est donné par un cartographe ou un caricaturiste, eh bien, nous avons ce dialogue qui se met en place avec plein de codes. Merci beaucoup à vous, Laurent Baridon, de nous avoir parlé de cette cartographie de l'imaginaire, je rappelle, un atlas imaginaire, cartes allégoriques et satirique chez Citadel et Masno. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, l'histoire à la carte, c'est donner le monde à voir et porter un regard sur le monde. Fascinante. Cartes anciennes, portulans, atlas, planisphères, quand les Anciens abattent leurs cartes, quand les cartographes prennent le large, c'est une aventure, celle de la Société de Géographie, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.